السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes très chers frères, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a permis d'atteindre ce jour-ci du meilleur mois de l'année, le mois de Ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de compléter sur nous ses bienfaits, de compléter notre foi et notre comportement. En effet, le comportement et le bon comportement est le signe de la réussite du serviteur, de sa place chez Allah subhanahu wa ta'ala, de sa place auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa place en islam, de sa place dans l'iman, dans la foi, de sa place au sein de son foyer, au sein de la communauté, le bon comportement. Cette chose qui fera entrer le plus de personnes au paradis, comme cela a été mentionné dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, selon Abu Huraira radiallahu anhu, سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a été questionné sur ce qui fera le plus entrer les gens au paradis. Il répondit: la crainte d'Allah et le bon comportement. La crainte d'Allah et le bon comportement. وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجِ. Et il fut questionné au sujet de ce qui fera entrer le plus de personnes en enfer. Il répondit: la bouche et le sexe. Donc, la personne qui veut le bien pour elle-même, affranchir son âme de l'enfer, l'élever en degré au paradis, se doit de parfaire son comportement. Celui qui veut être la personne la plus complète, la personne la plus parfaite, celle ayant le degré le plus élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des cieux et de la terre, se doit de parfaire son comportement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Les croyants ayant la foi la plus complète sont ceux dotés du meilleur comportement, sont ceux dotés des meilleurs caractères. C'est pour cela que nous allons nous entretenir sur ce sujet ô combien important. Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de son prophète du fait qu'il l'envoyait avec la religion parfaite, la religion complète, la religion comportant les meilleurs comportements. Il lui dit dans Al-Qur'an al-Karim: wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es certes doté des meilleurs caractères. Des meilleurs caractères. Aussi, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne qu'Allah l'a envoyé pour parfaire ses nobles caractères. Dans le hadith, innama bu'ithtu li utammima salih al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements. Que pour parfaire les bons comportements. Parmi la mission du prophète alayhi salatu wassalam, enseigner à l'ensemble des djinns et l'ensemble des humains le bon comportement. Avertir l'ensemble des djinns et l'ensemble des humains contre les mauvais comportements. Regardons donc dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam les nombreux ahadiths qui ont été mentionnés dans le mérite du bon comportement afin de s'efforcer de le copier sallallahu alayhi wa sallam car c'est notre exemple, notre imam sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, Al-Nawas ibn Sam'an radiallahu anhu nous dit: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. Le bon comportement t'aidera à concrétiser la bienfaisance et la piété, l'excellence et la piété. Al-Nawas ibn Sam'an radiallahu anhu nous dit: j'ai questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien et du mal. Au sujet du bien et du mal. De la bienfaisance, de la piété, de la crainte d'Allah et du péché. Il répondit: le bien, c'est le bon comportement. Le mal, le péché, c'est ce qui te cause le doute dans ta poitrine et que tu détesterais que tu détesterais voir, ou bien dont la connaissance te serait détestable, dont la connaissance des gens te serait détestable. Tu détesterais que les gens aient connaissance de ce que tu fais. Ça, c'est le péché. Ça, c'est le péché. Et le bien, c'est quoi? C'est le bon comportement. Parmi les mérites du bon comportement, il y a le fait que tu seras la meilleure des personnes. Tu seras la meilleure des personnes. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma nous dit: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا رواه الشيخان. Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait: parmi les meilleurs d'entre vous, il y a ceux qui sont dotés des meilleurs comportements. Parmi les meilleurs d'entre vous, il y a ceux qui sont dotés des meilleurs comportements. Ainsi, celui qui veut être le meilleur se doit de rechercher les meilleurs comportements. Et pour ce faire, il faut les étudier. Et en premier lieu, connaître le mérite pour avoir plus de motivation dans ce travail-là et cette recherche-là. Troisièmement, parmi les mérites du bon comportement, il y a le fait que ce soit la chose la plus lourde sur la balance du serviteur le jour de la résurrection. En effet, Abu Darda radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله يبغض الفاحش البذيء رواه الترمذي. Il n'y a rien de plus lourd sur la balance du croyant le jour de la résurrection que le bon comportement. Et certes, Allah déteste celui qui est vulgaire. Celui qui est vulgaire. Parmi les mérites du bon comportement, le fait que ça vienne pallier au manque de vigueur dans au manque de motivation, au manque d'accomplissement, de jeûne recommandé et de prière de nuit. Il se peut que le serviteur n'ait pas la force de jeûner beaucoup de jours recommandés dans l'année. Il se peut qu'il n'ait pas la force de se lever la nuit pour prier, mais par son bon comportement, par la pureté de son cœur envers les croyants et d'autres formes de bon comportement, Allah subhanahu wa ta'ala l'élèvera au même niveau que ceux qui jeûnaient le jour et priaient la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Wa inna sahiba husni al-khuluq la yablughu bihi darajata sahibi as-sawmi was-salah. Et certes, celui qui est doté des bons comportements atteindra avec cela, les bons comportements, les degrés de ceux qui jeûnaient et priaient, c'est-à-dire des jeûnes recommandés en plus et des prières recommandées en plus. Cinquièmement, parmi les mérites du bon comportement, le fait que ce soit la chose qui fasse le plus entrer les gens au paradis. Nous sommes durant le mois de Ramadan et nous jeûnons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que nous jeûnons? Des prières sont passées, nous les avons accomplies par la grâce d'Allah azza wa jal. Pourquoi est-ce que nous prions? Nous avons le choix de ne pas prier, nous avons le choix de manger. Mais pourquoi est-ce que nous faisons cela, nous délaissons cela? Parce que nous recherchons le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahumma adkhilna al-jannah ya akram al-akramin. Ben voici ici une cause pour entrer au paradis. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم fut questionné au sujet de ce qui faisait entrer le plus entrer les gens au paradis. Il répondit: la crainte d'Allah et le bon comportement. La crainte d'Allah et le bon comportement. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam a uni entre ces deux choses, la crainte d'Allah et le bon comportement. Parce qu'avec la crainte d'Allah, le serviteur va réformer la situation entre lui et son Seigneur, et cela lui amènera l'amour de son Seigneur. Et avec le bon comportement, il va réformer sa situation entre lui et les gens, et cela lui amènera leur amour. Et vous remarquerez que dans le hadith du prétendant, le hadith de celui qu'il convient d'accepter lorsqu'il demande la main de la femme ou de la fille de la famille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُهُ. S'il vous vient un homme dont vous agréez la religiosité et le comportement, alors mariez-le. C'est-à-dire, si il craint Allah, entre lui et Allah, il craint Allah. Puis, entre lui et les gens, il a un bon comportement, mariez-le. On retrouve ces deux caractéristiques. Parce que s'il craint Allah, il va s'acquitter de ses devoirs envers Allah, at-tawhid, la prière, la zakat et autres. Il ne sera pas un homme du péché, un homme de la perversion. Et s'il a un bon comportement, il va s'acquitter de ses devoirs envers son épouse, envers ses enfants, ses proches, et ainsi de suite. S'il a le bien entre lui et Allah, il peut nuire à cette femme-là. Il peut ne pas dépenser pour elle. Il peut la battre. Il peut l'insulter. Il peut la dénigrer. Il peut se moquer d'elle. Il peut chercher à l'attrister, à lui nuire, de par la perversion qui habite son cœur, de par son mauvais comportement. Donc on voit ici l'importance de cela. Dans le cas contraire, s'il a un bon comportement, s'il ne penche pas vers elle, au minimum, il ne cherchera pas à lui nuire. Il ne cherchera pas à lui nuire. Donc on voit l'importance d'unir ces deux caractéristiques, la piété et le bon comportement, afin de réformer notre situation entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, puis notre situation entre nous et les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sixièmement, parmi les mérites du bon comportement, il y a le fait que ce croyant-là sera le meilleur des croyants. Le croyant ayant la foi la plus complète, la plus parfaite. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Akmalu al-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa » Le croyant ayant la foi la plus complète est celui qui aura le meilleur des comportements. Est celui qui aura le meilleur des comportements. Ainsi, celui qui veut avoir la foi complète se doit d'étudier les bons comportements, se doit de les adopter, se doit de les pratiquer. Et ceux qui méritent le plus cela sont les membres de ta famille, ton épouse, tes enfants. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de Abi Hurayra, apporté par l'imam al-Tirmidhi, « Akmalu al-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa » Puis il nous dit « Wa khiyarukum khiyarukum li ahli » Et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs épouses. Et dans l'autre hadith, « Wa ana maza » وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ Et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs épouses. Donc, et dans l'autre hadith, et je suis le meilleur d'entre vous avec mes épouses. Donc ceci va marquer la distinction entre celui qui est dans l'excellence et celui qui ne l'est pas. Entre celui qui cherche les hauts degrés et entre celui qui a une détermination faible. Car il de par ses nobles caractères, il va supporter les écarts. Il va patienter face à ce qu'il n'agrée pas. Pourquoi ? À la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce qu'il veut être le meilleur des croyants. Pourquoi ? Parce qu'il veut compléter sa foi. Tout comme celui qui a le meilleur comportement est celui qui aura la foi la plus ferme, la meilleure foi. De la même façon, celui qui veut compléter son islam se doit de compléter son comportement. Et ceci est un autre mérite du bon comportement. Dans le hadith de Jabir ibn Samura, radiallahu anhuma, « قال كنت في مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسامورة وأبو أمامة فقال إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا رواه أحمد. Jabir ibn Samura nous dit j'étais dans une assise à laquelle participaient Samura et Abu Umama qui dit donc le prophète sallam a dit dans cette assise là la vulgarité et l'égarement dans les caractères ou dans les comportements ne font aucunement partie de l'islam. Et certes, la personne ayant le meilleur islam, est celui qui a le meilleur comportement. Rapporté par l'imam Ahmed, At-Tabarani, autres, et oui. Rendu jugé bon par Shir al-Albani, rahmatullahi alayhim. Parmi les mérites du bon comportement, le fait que l'homme ou la femme ayant les meilleurs comportements seront ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimera le plus. Jabir, radiallahu anhu, nous dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Inna min ahabbikum ilayya, wa akrabikum minni majlisan yawm al-qiyama, ahsanakum akhlaqa. Rawahu al-Tirmidhi. Écoutez ce hadith. Parmi les plus aimés d'entre vous auprès de moi, ceux qui parmi vous sont le plus aimés auprès de moi, qui seront le plus proches de mon assise le jour de la résurrection, il y a ceux qui ont les meilleurs comportements. Où sont ceux qui ont les meilleurs comportements? Allahu Akbar. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ceux qu'il aime le plus, c'est ceux qui ont le meilleur comportement. Ceux qui seront le plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection, dans la meilleure posture, sont ceux qui ont le meilleur comportement. À l'inverse, on trouve dans le hadith de Abu Tha'lab al-Khushani radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirati » Et parmi ceux que je déteste le plus parmi vous, et ceux qui seront le plus éloignés de moi dans l'au-delà, ceux qui ont les plus mauvais comportements. Ceux qui ont les plus mauvais comportements. Allahul Musta'an. Le comportement fait partie des actions, fait partie de la foi. Donc, plus la foi du serviteur est complète, meilleur sera son comportement. Et plus il a des défaillances dans son comportement, plus sa foi diminuera. Parmi les mérites du bon comportement, le fait que ce soit le meilleur don qu'on accorde au serviteur. Le meilleur don. Dans le hadith de Usama ibn Sharik, radiallahu anhu, nous étions assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme si sur nos têtes il y avait des oiseaux. C'est-à-dire qu'ils avaient la quiétude, la sérénité, ils ne bougeaient pas, ils avaient le comportement de l'étudiant en science dans l'assise, avec l'enseignant, avec le professeur, avec le shir. وَمَا يَتَكَلَّمُ مِنَّا مُتَكَلِّمُ Et aucun d'entre nous parlait. إِذْ جَاءَهُ أُنَاسٌ C'est alors que des gens lui sont venus et lui ont dit Men ahabbu ibadillah ila Allah ta'ala. Qal ahsanuhum khuluqa. Ils lui ont dit Qui parmi les serviteurs sont les plus aimés d'Allah? Il répondit Ceux qui parmi eux ont le meilleur comportement. Ceux qui parmi eux ont le meilleur comportement. Donc celui qui a le meilleur comportement est le plus aimé chez Allah. Dans une autre version, la suite, قالوا يا رسول الله فما خير ما أعطي الإنسان au messager d'Allah, et quel est le meilleur don fait à l'homme? Quel est le meilleur don accordé à l'homme? Il répondit, خلق حسن, un bon comportement. Allahu Akbar. Un bon comportement. Entends-tu cela, cher croyant? Entends-tu cela, cher auditeur? Tu veux être le plus aimé chez Allah? Tu veux honorer le meilleur des dons, efforce-toi, efforçons-nous d'avoir les meilleurs comportements. Certains disent, mais moi, j'ai grandi dans tel endroit, mais moi je, et moi ceci, et moi cela. Et moi, j'ai pas grandi avec mes parents, et moi, je suis converti, et moi, je viens de telle banlieue, de telle cité. Toutes ces choses-là ne sont qu'excuses. Toutes ces choses-là ne sont qu'excuses. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient-ils? Ils ont vécu dans la jahiliya pour certains d'entre eux. À une époque, on assassinait pour un oui, pour un non, où on décimait une famille entière lors d'une dispute, où on enterrait des filles qui avait quelques heures au monde, vivant dans la terre, où on spoliait les biens de l'orphelin, on héritait des femmes, où on battait les faibles, et ainsi de suite. Mais lorsqu'ils sont entrés en islam, ils ont tourné cette page de l'anarchie, cette page du shirk, du polythéisme, cette page des mauvais comportements, sachant que certains d'entre eux avaient déjà les nobles caractères connus chez les Arabes de la période anti-islamique. Mais ils se sont réformés, parce que lorsqu'on rentre en islam, on ne prend pas que le nom. Lorsqu'on rentre en islam, on ne prend pas que le drapeau. Non, mais c'est une croyance dans le cœur, c'est une parole sur la langue, c'est des actions avec les membres, la foi. Ainsi, il faut se purifier. Et là, le vrai problème, comme l'a expliqué un savant de Médine, Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah ta'ala, c'est que des gens rentrent dans le din ou reviennent à la religion, mais ils ne purifient pas le mal qu'ils avaient auparavant. Ils ne se délient pas, ils ne se déchargent pas, ils ne se purifient pas des mauvaises habitudes qu'ils avaient dans le passé, des mauvaises paroles, des mauvaises croyances, des mauvais comportements. Et ils avancent comme ça dans l'islam. Donc ils apprennent le bien, ils le mettent en pratique sans jamais se purifier du mal. Il vient de là le problème. Le shir a exactement mis le doigt où il fallait. Si on a compris cela, on va savoir comment parfaire nos comportements. Avec at-tasfiya wa at-tarbiya, l'épuration du mal, il faut laver, il faut épurer, il faut filtrer. Et ensuite, il faut éduquer en remplissant de bien. Ensuite, il faut éduquer en remplissant de bien. C'est pour cela que vous voyez dans beaucoup de hadiths, le prophète sallam dire « Ne faites pas cela, mais faites cela. Délaissez cela, mais faites cela. » Dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de hadiths, on enlève le mal et on remplit de bien. Celui qui cultive une terre, il choisit la bonne terre. Par la suite, il retourne la terre, il la laboure, il plante ses graines, il met de l'engrais et il fait très attention aux mauvaises herbes. Il fait très attention à la pousse qui n'est pas droite. Il va attacher certaines branches pour qu'elles poussent bien, certaines tiges pour qu'elles poussent bien et ainsi de suite. Donc il faut absolument prendre soin du terrain. Il faut absolument prendre soin de la culture. Il faut venir régulièrement, il faut surveiller, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut irriguer, il faut arroser. Et le tout est dans la main d'Allah. Donc on abandonne notre affaire à Allah, on place notre confiance en Allah et on fait dua. C'est pareil pour le comportement. C'est pareil pour le comportement. Naam, c'est pareil pour le comportement. Donc, le plus aimé chez Allah est celui qui a le meilleur comportement. Celui qui a reçu le plus grand don est celui à qui on a accordé le meilleur des comportements. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous joindre au nombre de ses meilleurs, des bien-aimés d'Allah, des bien-aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les mérites du bon comportement, le fait qu'on trouve cela dans les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les moments où la recommandation est la plus importante, comme lors du voyage. En effet, dans le hadith d'Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma, Mu'adh ibn Jabal a voulu voyager. Il dit donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Nabi Allah, awsini, ô prophète d'Allah, fais-moi des recommandations. Qal, u'budillah, wa la tushrik bi shay'a. Qala, ya Nabi Allah, zidni. Qala, idha أسأت فأحسن قال يا نبي الله زدني قال استقم وليحسن خلقك رواه ابن حبان. Dans ce hadith jugé bon par Al-Albani rahimahumullah, Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma nous dit que Mu'adh ibn Jabal a voulu voyager et a dit au prophète d'Allah, fais-moi des recommandations. Et pour que vous visualisez bien cette scène, il vous faut savoir qui était Mu'adh. Mu'adh, c'est un des grands savants parmi les compagnons. Mu'adh, c'est un faqih, c'est un des plus savants dans le halal et le haram. Mu'adh, c'est l'étoile des savants et le grand enseignant de l'islam. Mu'adh, c'est le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a été envoyé au Yémen pour propager l'islam. Radiallahu anhu. Mu'adh, c'est le bien-aimé du prophète alayhi salatu wa sallam. Celui à qui le prophète alayhi salatu wa sallam a proclamé son amour lorsqu'il lui a dit « Ya Mu'adh, Wallahi inni la uhibbuk. » Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit un jour « Oh Mu'adh, je jure par Allah que je t'aime. » Allahu Akbar. Qui n'aurait pas aimé être à la place de Mu'adh, radiallahu anhu. Wallahi, oh Mu'adh, certes je t'aime. Ne laisse jamais à la fin de la prière ces paroles. Allahumma a'inni ala dhikrika shukrika husni ibadatik. C'est-à-dire avant le taslim, dit cette invocation. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Wallahi, aide-moi à te mentionner ou bien à me souvenir de toi, à être reconnaissant vers toi et à t'adorer convenablement. Mu'adh, le bien-aimé du prophète, alayhi salatu wassalam, lui demande des recommandations, il s'apprête à voyager. Il lui dit, adore Allah et ne lui associe jamais rien. La première recommandation, c'est le tawhid, c'est la bonne croyance, c'est la purification du cœur de l'attachement de tout autre qu'Allah azza wa jal dans l'adoration. Et ça, c'est le meilleur des comportements, c'est le comportement envers Allah. Mu'adh a dit, ô prophète d'Allah, ajoute-moi. Il lui a dit, lorsque tu fais un mal, fais du bien. Lorsque tu fais un mal, fais suivre cela d'un bien, immédiatement. Ô prophète d'Allah, rajoute-moi, ou ajoute-moi. Il lui dit, observe la droiture et efforce-toi d'avoir un bon comportement. Observe la droiture et que ton comportement soit bon. Voici la recommandation du bien-aimé à son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit ici une des causes pour avoir un bon comportement. C'est le fait de questionner les gens de science sur ce qui nous est profitable. Sur ce qui nous est profitable. Nous avons mentionné tout à l'heure un hadith qui réunit le droit d'Allah Azza wa Jalla, le droit des gens, qui réunit la réforme entre nous et Allah et la réforme entre les gens, entre nous et les gens, et que ça nous amène l'amour d'Allah, puis l'amour des gens. Il y a ici un hadith qui, en plus de cela, ajoute nos droits à nous. Nos droits à nous. Dans le hadith d'Abu Dharr, Abu Dharr radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ittaqillaha haythuma kunt, wa atbi'i sayyi'at al-hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. » Crains Allah où que tu sois, et fais suivre la mauvaise action de la bonne, elle l'effacera. Et comporte-toi avec les gens de la meilleure manière. Et aie un bon comportement envers les gens. Rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans cette courte parole, la remplit de sens et de droit. Il y a le droit d'Allah. Il y a le droit de ta personne. Et il y a le droit des gens. Le droit d'Allah, crains Allah où que tu sois. Délaisse le haram, fais ce qui t'est ordonné, avec science, en espérant la récompense d'Allah et en craignant son châtiment. Ça, c'est la crainte d'Allah. Le droit de ta personne, ne fais pas de péché. Mais lorsque tu tombes dans le péché, fais suivre ce péché d'une bonne action. Elle l'effacera. Le fait de faire beaucoup de bien, ça efface le mal. Et la meilleure action qui efface, c'est le repentir. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Et comporte-toi avec les gens de la bonne façon. Voici la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi la personne complète sa personne. Ou se complète. Afwan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre une cause pour parfaire ses bons comportements. C'est le fait de faire être dua. Parce que l'ordre tout entier est dans la main d'Allah. Et les comportements sont des dons d'Allah Azza wa Jal, comme on le mentionnera, Incha'Allah. Aisha radiallahu anha, la mère des croyants, dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Rapporté par Ahmed. Ô Allah, tout comme tu as bien fait ma création, parfait mon comportement. Ô Allah, tout comme tu as parfait ma création, parfait mon comportement. Et dans différents hadiths, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah subhanahu wa ta'ala le bon comportement. Et il est qui il était? Celui qui avait cette perfection humaine. Celui qu'Allah Azza wa Jal avait créé avec l'amour des bons comportements. Avec l'aversion envers les mauvais comportements. Puis il lui a donné la révélation. Cette âme émanant. Ou bien cette lumière. Na'am, cette lumière. Subhanallah. Tout comme il demandait les bons comportements, dans lequel l'imam al-Tirmidhi cherchait refuge auprès d'Allah contre les mauvais. Allahumma inni a'udhu bika min munkarati al-akhlaq. Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre les mauvais comportements. Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre les mauvais comportements. On trouve également que le bon comportement, c'est ce que tu pourras donner à tout le monde. Parce que tu ne seras jamais assez riche pour donner à tout le monde. Mais avec le bon comportement, tu peux suffire à toute personne que tu rencontreras. Abu Huraira radiallahu anhu nous dit, dans ce hadith rapporté par Abu Ya'al al-Bazzar et autres, rahimahumullah, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. Al-Bani dit que ce hadith est hasan li ghayri. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous dit, vous ne pourrez jamais assouvir le besoin de tout le monde avec votre argent. Vous ne pourrez jamais accorder à tout le monde de votre argent. Et c'est une chose impossible. Personne ne peut donner à tout le monde. Mais vous pourrez leur suffire en ayant un visage détendu, en souriant ou en ayant un visage détendu, et en ayant un bon comportement. Ça, vous pouvez le donner à tout le monde. Ça, vous pouvez le donner à tout le monde. Subhanallah. Donc, le serviteur se doit de s'efforcer, de parfaire cette chose qui va la rapprocher d'Allah, qui va la rapprocher de l'assise du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jugement dernier, le jour du jugement dernier, qui va l'éloigner de ceux qui sont détestés par le prophète alayhi salat wa salam, de ceux qui sont éloignés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tous ces textes-là nous montrent très clairement l'importance du bon comportement en islam et que ça n'est pas une chose secondaire. Mais c'est une chose primordiale et essentielle. Tous ces textes nous montrent les nombreux mérites qu'il y a à avoir un bon comportement et nous encouragent à en être dotés. On a même mentionné que le prophète alayhi salatu wassalam n'a été envoyé que pour parfaire les nobles comportements. Voyons maintenant quelques causes qui vont nous aider à avoir les bons comportements. C'est comme si j'entendais l'auditrice dire, j'ai compris l'importance des bons comportements. Je veux, moi, être le meilleur croyant, la meilleure croyante. Mais comment faire? La réponse, les savants nous disent, il faut déjà savoir où trouver les meilleurs comportements. C'est-à-dire, Al-Qur'an ul-Karim wa sunnatun nabawiyya. Il faut les rechercher dans le Qur'an et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut lire le Coran en le méditant. et vous trouverez les comportements les plus parfaits, les meilleurs des comportements. Il faut également étudier, il faut lire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les étudier. Troisièmement, il faut lire les livres de biographie, les livres de sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa description. Tout cela nous montrera les bons comportements. Comme Al-Fusul d'Ibn Kathir, comme Al-Shama'il de l'imam Al-Tirmidhi, comme Riyad al-Salihin, et avant ça l'Arba'in al-Nawawiyya de l'imam al-Nawawi, rahimahullah, comme Al-Adam al-Mufrad de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, et d'autres livres encore. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre prophète, c'est notre messager, c'est notre imam, c'est notre guide, c'est notre exemple. Dans sourate Al-Ahzab, Allah nous dit: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah. Un parfait exemple. Dans tout, c'est notre exemple sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah l'a décrit dans le Coran en disant dans sourate Noun: wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Et tu es certes doté de comportements immenses. Et Sa'd ibn Husham, ou Hisham, rahimahullahu ta'ala, est venu voir Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, et lui a dit: Ya umma al-mu'minin, akhbirini bi khuliqi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on a mentionné le fait de regarder dans le Coran et le méditer, le fait de regarder dans la sunna, de l'étudier, le fait de lire les livres de biographie et de les étudier. Quatrièmement, le fait de questionner les gens de science. Le fait de céder après Allah Azza wa Jal des gens de science et d'aller questionner, d'aller demander de l'aide. N'aie pas honte d'aller voir une personne qui a un bon comportement, une personne qui est dans la science, et de lui demander de t'aider à t'améliorer, de t'aider à te corriger. Jazakallahu khayran. Il n'y a pas de honte à avoir dans cela. Mais il faut y aller avec pudeur. Et je me rappelle la parole d'un de nos enseignants, Jazahullahu khairan wa rahimahullah. Une fois, nous l'avons invité, par l'aide d'Allah Azza wa Jal, à couper le jeûne, alors que nous étions au Yémen, que nous avions très peu de moyens. Et par son humilité, Jazallah khairan, il était très pauvre également. Mahza, il a accepté cette invitation dans notre chambre faite de terre et de briques en terre. Et nous avons mangé. Et une des paroles que je lui ai dites, moi ou mon compagnon de chambre, wafakahullah, c'est: mange, n'aie pas honte. Et là, il nous a appris une belle parole et une belle leçon. Il nous a dit: Ana sa'akul walakin astahi. Yann al-haya min ad-din. Sa'akul bihaya. Lian al-haya min al-iman. Il nous a dit: je vais manger, mais en ayant honte. Parce que la pudeur fait partie de la foi. Donc, le simple fait d'être assis avec une personne de science, tu vas apprendre le bon comportement. Et il va te reprendre sur des choses, il va te conseiller, te corriger. Si tu aimes le bien, tu vas accepter le conseil. Tu vas le remercier pour cela et tu vas garder ces préceptes. Donc, nous revenons au athar. C'est que ce tabi'i est venu voir la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha. Donc, Sa'd ibn Hisham. Il lui a dit: Ya al-mu'minin, ou la mère des croyants, akhbirini, informe-moi bi khuluqi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Informe-moi des comportements qu'avait le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Faqalat kana khuluquhu al-Qur'an. Ama taqra al-Qur'an? Son comportement c'était le Qur'an. Ne lis-tu pas le Qur'an? Apporté par l'imam Ahmed. Les savants expliquaient cela en disant que toute information dans le Coran, le prophète, alayhi salatu wa salam, il croyait. L'adoptait en conviction. Tout ordre, il le mettait en pratique. Tout interdit, il s'en éloignait, s'en abstenait. Et invitait les gens à cela. Et Allah Azza wa Jal a mis que son cœur penche vers tout ce qu'Allah Azza wa Jal veut mentionner dans le Coran. Ainsi, son comportement, c'est le Coran. Et on s'éloigne de cette parole qu'on peut entendre ici et là, qui est de dire Kana Qur'anan yamshi, c'est un Qur'an qui marchait. Non, le Qur'an c'est la parole d'Allah, son attribut incréé. On ne peut le mentionner ainsi en parabole. On ne doit pas dire c'est un Qur'an qui marchait. Naam, on ne doit pas dire c'est un Qur'an qui marchait. On doit s'éloigner de cette parole-là. Elle n'est pas convenable. Car le Qur'an est la parole d'Allah et son attribut incréé. Barakallahu fikum. Donc, si tu veux le bon comportement, étudie, questionne, regarde comment était le prophète sallam et prends-le en exemple. Et prends-le en exemple. Nous avons beaucoup de paroles de compagnons qui nous montrent également cela. Anas ibn Malik, par exemple, radiallahu anhu, nous dit « J'ai été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 années. Il ne m'a jamais dit ouf. La plus petite parole qui soit, il ne me l'a jamais dite. Et il ne m'a jamais dit d'une chose que j'ai faite, pourquoi tu as fait cela? D'une chose que je n'ai pas faite, tu aurais dû faire cela. » Ça, c'est un niveau qu'on peine à percevoir, à défaut de pouvoir l'accomplir. Il dit, c'était Kana Ahsana Nas Khuluqan. C'était la personne qui avait le meilleur des comportements. Il dit, je n'ai jamais touché une main. Je n'ai jamais touché une soie, je n'ai jamais touché une matière plus douce que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni senti une odeur plus bonne ou un parfum plus bon que la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou comme a dit Anas ibn Malik. Aïcha radiallahu anha nous dit, et certes, on peut nous montrer du doigt et dire « Masha'Allah, le frère a un bon comportement, Masha'Allah, kada. » Mais la réalité, c'est ce que dira l'épouse juste qui craint Allah Azza wa Jal. La réalité, c'est ce que dira l'épouse juste qui craint Allah Azza wa Jal. Naam. Et Aïcha a dit du prophète alayhi salatu wa salam « Ma daraba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam biyadi khadiman qatta wala mra'atan » Aïcha radiallahu anha nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais tapé de sa main, n'a jamais tapé avec sa main un servant. N'a jamais tapé une femme. Où sont ceux qui battent ceux qui sont à leur service? Où sont ceux qui battent les femmes? Où sont ceux qui ne respectent pas la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Istawsu bin nisa'i khayra. Faites de bonnes recommandations aux femmes. Où sont ceux qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal envers leurs épouses? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Harriju alaykum haqq ad-da'ifayn. Je vous mettrai dans la gêne si vous ne vous acquittez pas du droit des deux faibles, c'est-à-dire la femme et l'orphelin. A'udhu billah d'avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre nous le jour du jugement dernier parce qu'on a opprimé les femmes et les orphelins. Les comportements, nous avons dit qu'il faut revenir à la sunna. Et peut-être qu'une personne dira, mais moi je ne peux pas étudier tout cela et j'ai peu de temps. Et on lui dit, ne sois pas avare envers ta propre personne. Au minimum, dans le comportement, il te faut étudier 4 ahadiths. 4 ahadiths, celui qui les étudie et les comprend, aura les 4 piliers du bon comportement. Ibn Rajab, dans le Sharh de l'Arba'in Nawawiyya, Jami' al-Ulumi wal-Hikam, nous dit que le grand savant, Ibn Abi Zayd, al-Qayrawani, rahimahullahu ta'ala, a dit, « Jima'u adab al-khayr, wa azimmatuhu, tatafarra' min 4 ahadith. » ce qui réunit tout le bien dans le bon comportement trouve et puise sa base dans quatre récits prophétiques. Naam. Et ces quatre hadiths, sachez qu'ils sont dans l'Arba'in Nawawi, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Le premier, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Le deuxième, من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. ترك ما لا يعنيه. Parmi le bel islam de la personne, le fait qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. Le troisième, la tardab, la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam, ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère. Et le quatrième hadith, al-mu'min, يعني من يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Le croyant, c'est lui qui aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Celui qui maîtrise ces hadiths et les applique pourra parfaire son comportement. Le premier, c'est dans le fait de retenir sa langue sauf pour dire du bien. Retenir sa langue sauf pour dire du bien. Donc le premier point pour le comportement, c'est la langue. C'est la langue. La plupart des péchés du fils de Adam, la plupart de ce qu'il fait entrer en enfer, c'est la langue. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, « وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَا » Il dit aux gens le bien. Il nous dit, « تَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا » Craignez Allah et dites des paroles droites. Dites des paroles droites. Il nous dit également, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallam nous dit, et est-ce que les gens vont culbuter sur leur visage dans le feu de l'enfer si ce n'est à cause de ce que leurs langues auront amassé? Subhanallah. Donc la langue, tu préserves la langue, tu retiens ta langue, tu t'éduques à observer le silence. Et lorsque tu parles, c'est parce que c'est mieux de parler. Lorsque tu parles, c'est pour dire du bien dont tu es sûr. Dont tu es sûr. Il ne faut pas sortir de ta bouche tout ce qui rentre de... Tout ce qui passe par l'esprit. Non, il faut sélectionner. Il faut sélectionner. C'est le premier point, le premier pilier. Le deuxième point, c'est dans le hadith, fait partie du bel islam de la personne, de délaisser ce qui ne le regarde pas. Il y a une faiblesse dans ce hadith, mais le sens est bon, et corroboré par d'autres textes. Ici, la personne doit s'occuper de ce qui la regarde. Et si elle veut faire cela, elle se doit d'apprendre sa religion, de s'acquitter de ses devoirs pour réclamer aussi ses droits. Donc elle s'occupe d'elle, elle regarde. Elle ne regarde pas par exemple la responsabilité du gouverneur, la responsabilité de l'imam, la responsabilité du médecin, la responsabilité de l'étudiant en sciences, la responsabilité des savants. Et elle veut prendre toutes ses responsabilités alors que ça n'est pas de son ressort. Non. Elle ne rentre pas dans sa tête dans ce qui ne la regarde pas. Mais ce qui la regarde, elle va s'en enquérir, elle va l'étudier, elle va l'appliquer, elle va transmettre le bien qu'elle connaît, qui est de son ressort, de sa responsabilité, de son degré, de son niveau. Et celui qui s'éparpille dans ses tâches faiblira dans toutes ses tâches. Et celui qui se concentre sur ce qui est de son ressort et ce dans quoi il est apte, il pourra parfaire un domaine ou plusieurs. Un domaine ou plusieurs. Le troisième comportement, et si on regarde les deux premiers, entre dedans, le qil wal qal, les on-dit. Donc la personne n'a pas préservé sa langue, elle s'occupait de celui qui ne la regardait pas. Les on-dit. Le fait de faire le journal, le fait de faire la radio, il s'est passé ça là-bas, il s'est passé ceci ici, tu as vu, il a dit, qu'il a dit, elle a dit. Non, subhanallah, délaissez tout cela. Préservez les langues et occupez-vous de ce qui vous concerne, de ce qui vous regarde. Le troisième bon comportement, c'est de délaisser la colère, délaisser la majeure partie de la colère. Un homme est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui a dit, « Ya Rasulallah, usini. » Et au messager d'Allah, fais-moi des recommandations. Il lui a dit, la tardab. Faradda damiradan, qala lahu la tardab. L'homme a répété, donne-moi d'autres recommandations, donne-moi d'autres recommandations. À chaque fois, le prophète, alayhi salat wa salam, lui disait, ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère. Donc, cette recommandation renferme tout le bien. Combien de dégâts, combien de destructions de familles ayant de nombreux enfants, combien de liens d'amitié brisés, combien de liens de parenté rompus à cause de la colère, non maîtrisés, non gérés. La colère, ça pousse à désobéir Allah Azza wa Jalla. Ça pousse à dire ce de quoi on devra s'excuser demain. Ça pousse à faire ce qu'on ne pourra pas réparer. Le meurtre, c'est le fruit de la colère. Le divorce, c'est le fruit de la colère. Les insultes sont les fruits de la colère. Les guerres sont les fruits de la colère. Et beaucoup d'autres mots encore. Ainsi, celui qui maîtrise ce sentiment-là et qui sait se comporter lors de la colère, c'est-à-dire qu'il retient sa langue, il dit « A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim », il fait le contraire de ce vers quoi shaitan le pousse, il n'agit pas, il rebrousse chemin, il écrase son âme, ben ce dernier-là, il réussira à avoir un bon comportement. Dans le cas contraire, il peut s'efforcer pendant des années à avoir un bon comportement. Tant qu'il ne maîtrisera pas ce point-là, il ne fera que détruire la montagne, rendre la montagne de bon comportement poussière. Pourquoi ? Parce que dans la vie, nous ne sommes pas encore au paradis. Inch'Allah Azza wa Jalla nous accorder cela, mais on est fi dunya. Et fi dunya, il y a des gens qui poussent à la colère. Il y a des comportements d'autrui qui poussent à la colère. Naam, la personne ne vit pas seule. Elle vit en société. Elle vit avec ses parents ou elle vit avec son épouse, ses enfants, sa famille. Elle fréquente des gens, elle croise des gens, ainsi de suite. Et tout cela est sujet à la colère. Donc s'il ne maîtrise pas cela, il va détruire son bon comportement, même s'il en a une partie. Donc il faut faire attention au bon comportement. Le dernier point, c'est le fait d'aimer pour les croyants le bien que tu aimes pour toi-même. Aimer pour les croyants ce que tu aimes pour toi. Ça revient à quoi? Ça revient à la purification de l'âme et du cœur de ces maladies. Le cœur de celui qui a un bon comportement doit être pur de haine à l'égard de ses frères, à l'égard de ses sœurs. Afwan. Donc, il faut salamatu sadr. Il faut tazkiyatu nafs. Il faut la pureté de l'âme. Il faut la pureté de l'âme. Contre quoi? Contre la rancœur, contre la haine, contre la jalousie, contre l'inimitié et toutes ces mauvaises choses qui habitent le cœur de la personne lorsqu'il a indifférent avec un croyant ou une croyante. Et cela, vous verrez que ça affaiblit la détermination du musulman et du serviteur quant à l'acheminement vers son Seigneur, quant à l'acheminement et la prise de provision vers son Seigneur. Parce que quand il a de la haine, quand il a de la rancœur envers son frère ou sa sœur, dans la prière, il va y penser. Dans sa journée de jeûne, il va y penser. Avant de dormir, il va y penser. Au réveil, il va y penser. Quand il va parler avec d'autres personnes, il va y penser. Ça va le pousser à faire de la médisance. Ça va le pousser à faire du colportage pour diviser entre lui qu'il n'aime plus et l'autre qu'il aime. Encore, pour l'instant. Naam. Mais dès lors qu'il ne suivra pas ses passions, lui aussi sera ajouté à la liste de ceux qu'il déteste. Wal'iyadu billah. Parce que ça, c'est le suivi des passions. C'est le suivi des passions. Donc tu dois purifier ton cœur. On a dit un compagnon sur son lit de mort qui avait le visage resplendissant. Que lui arrive-t-il? Que se passe-t-il? Il a dit qu'il a apporté des actions et il espère énormément la récompense chez Allah. Parmi ses actions, il a cité le fait de rien avoir dans mon cœur contre les croyants. Rien avoir dans mon cœur contre les croyants. Ça, c'est une grande action de laquelle nous sommes distraits. Et si le serviteur purifie son cœur, que se passera-t-il? Une source, un océan de bonnes actions qui découlera de ça. Le prophète sallam a dit, par exemple, de marcher avec un croyant dans son besoin jusqu'à avoir rempli cette action-là, mais préférable, à faire la retraite spirituelle dans ma mosquée. Il a peut-être dit un mois ou un temps déterminé. Il a également dit, celui qui allège la dette d'un musulman, Allah Azza wa Jalla l'allégera des difficultés du jour dernier. Il a dit, celui qui enlève la dette d'un musulman et l'efface, Allah Azza wa Jalla le mettra sous l'ombre de son trône le jour dernier. Il a aussi dit, Madha, celui qui enlève une difficulté d'un croyant dans ce bas monde, Allah lui enlèvera des difficultés dans l'au-delà. Et ainsi de suite. Le prophète sallam nous a vanté les mérites de s'aimer pour Allah. Ça amène l'amour d'Allah, ça amène le pardon des péchés, ça amène à être sous l'ombre du trône d'Allah le jour dernier. Allah appellera et dira, où sont ceux qui se sont aimés pour moi? Aujourd'hui, je les plongerai sous l'ombre en dehors de laquelle il n'y a pas d'autre ombre aujourd'hui, l'ombre du trône. Un homme a visité son frère. Il a voyagé pour visiter son frère dans un village ou dans un endroit. Allah lui a mis un ange sur son chemin. Et il lui a dit, où vas-tu? Il lui a dit, je vais visiter telle personne. Il lui a dit, est-ce qu'il y a quelque chose à réparer? Est-ce qu'il y a quelque chose entre vous? Pourquoi il voyage? Pour la dunya? Pour quelque chose? Pourquoi? L'homme lui a répondu, non, si ce n'est que je l'ai aimé pour Allah. Il lui a dit, je suis un ange, j'ai été envoyé par Allah. Et sache qu'Allah t'a aimé tout comme tu l'as aimé pour Allah. Regardez, subhanallah, ça vous amène l'amour d'Allah, la purification de l'âme et de rien avoir dans le cœur contre les croyants, aucune rancœur. Na'am, aucune rancœur. Et quel meilleur mois que le mois de Ramadan pour se réconcilier? Tu ne parles plus à ton frère? Appelle-le, demande-lui pardon. C'est pas à moi de lui demander pardon. Non, délaisse ça, ça vient du shaitan. Rappelle-toi la colère, enlève ça. Oui, mais retiens ta langue, rappelle-toi le premier point du comportement. Na'am. Oui, mais un jour, délaisse ça, ça ne te regarde pas. Rappelle-toi le deuxième point, le troisième point. C'est ainsi, tu dois te mettre des barrières avec ces ahadiths. Appelle ton frère, réconcilie-toi. Appelle ta sœur, réconcilie-toi. Ayez le meilleur comportement, ayez la plus grande place chez Allah subhanahu wa ta'ala. Pardonne, oui, il m'a fait, pardonne-lui. Toi, tu n'as pas des péchés chez Allah? Toi, tu ne veux pas qu'Allah te pardonne? وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Allah a dit dans le Coran, dans la traduction des sens de ce verset, qu'il pardonne, qu'il absolve. N'aimez-vous pas, vous, qu'Allah vous pardonne? Tu veux trouver la force pour pardonner à tes frères et sœurs? Rappelle-toi que toi, tu as des péchés, tu veux qu'Allah te pardonne. Quand Abu Bakr a entendu cela, il a dit, Wallah, j'aime qu'Allah me pardonne. Et il a pardonné à celui qui avait entaché l'honneur de sa fille, la femme du prophète sallam, Aïcha, radiallahu anha. Et il lui donnait même de l'argent par la suite et disait, Wallah, je ne lui enlèverai jamais un sou que je lui donnais auparavant. Le prophète sallam nous dit, pardonne, on te pardonnera. Excuse, tu seras excusé. Le prophète sallam disait, celui qui n'a pas de pitié envers les gens, Allah n'aura pas de pitié envers lui. Le prophète sallam disait, Rahimun yarhamuhum ar-Rahman. Ceux qui ont de la pitié, le tout miséricordieux aura de la pitié envers eux. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Ayez de la pitié envers ceux qui sont sur la terre, celui qui est au-dessus des cieux en aura envers vous. Tous ces textes nous appellent à la réconciliation. Réconciliez-vous. Et Inch'Allah ta'ala, cela fera l'objet d'une future conférence. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous doter des meilleurs caractères, nous pardonner nos péchés, nous aider à la réconciliation. Wallahu a'lam. Qu'Allah azza wa jalla nous donne le meilleur comportement envers nos proches, envers nos parents, nos épouses, nos enfants, nos voisins, envers la veuve, envers l'orphelin, envers les proches parents, envers les croyants, envers les croyantes, envers les faibles, et ainsi de suite. Wallahu a'lam wa sallallahumma wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afaf wa al-ghina. Allahumma ahfadhna ya hafidh. Allahumma tub alayna ya tawwab ya rahim. Allahumma rabbana atina fi al-dunya hasanatan wa fi al-akhirati hasanatan wa qina azab al-nar. Allahumma kama ahsanta khalqana fa ahsin khuluqana. Allahumma kama ahsanta khalqana fa ahsin khuluqana. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأفعال والأهواء. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Je n'omets pas, après avoir remercié Allah عز وجل, de mentionner ma, de témoigner ma reconnaissance envers tous les donateurs et les bienfaiteurs parmi les frères et les sœurs. Vous avez été nombreux à répondre à cet appel à l'entraide par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Hier, nos chauffeurs ont pu distribuer à de nombreuses familles plusieurs denrées alimentaires, un grand sac de riz, de semoule, de pommes de terre, d'oignons, de l'escalope de poulet, des pilons de poulet, un grand carton de steak haché, de steak, na'am, et de lait, de l'eau, du lait, de l'eau, et beaucoup d'autres choses. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense avec largesse. On demande à Allah Azza wa Jal, et particulièrement pour trois frères qui ont donné la plupart, qui ont donné la plupart de ce que nous avons distribué, pour ne pas dire tout. On demande à Allah Azza wa Jal de les accueillir dans sa miséricorde, de leur pardonner leurs péchés, de les élever au Firdaus al-A'la, au paradis, eux, ainsi que leurs parents, leurs épouses, leurs descendants, et de récompenser nos chauffeurs en bénissant leur temps, leur accordant la science utile, les actions pieuses, et de pardonner à l'ensemble des donateurs et l'ensemble des croyants. Prochainement, Inch'Allah Ta'ala, on postera les images, non pas sans gêne, sur la chaîne Telegram que nous avons ouverte, qui s'appelle Mohsinoun. Une deuxième excellente et très grande nouvelle, c'est que Mada, un des derniers puits que nous avons entrepris, est fini, wallah alhamd, au Mali, et que le nouveau puits a commencé hier ou avant-hier, et nous sommes en relation avec une grande personnalité de Mauritanie qui est comme un préfet ou un maire d'une grande région. Une âme d'une grande région, dans la région de la Mauritanie qui est aux frontières du Mali. Et qu'Allah le récompense, il m'a dit aimer la sunna, il s'est réjoui de notre projet, il m'a envoyé un audio, si c'est sage, on le mettra également en ligne, je ne sais pas si c'est faisable sur Telegram. Et il remercie les donateurs, il est extrêmement heureux et nous a mentionné, il nous a fait part du grand besoin d'eau qu'il y avait. Il y a déjà deux puits qui ont été faits. On en a commencé, alhamdoulillah, un troisième avant-hier. Et qu'Allah récompense les donateurs et qu'Allah guérisse la maman et la vue de la maman. Mada, notre frère Toufiq, Naam, elle a financé elle seule un puits et plus encore. Qu'Allah bénisse leur famille et leur accorde du bien. Et petit à petit, Inch'Allah, on postera les choses. Certaines personnes, de par leur amour du bien, sont pressées et nous sollicitent. Mais nos tâches étant réparties, on est en train de se construire. On ne peut pas aller plus vite que cela afin de parfaire le travail. Puisse Allah vous accorder la patience. Vous verrez le tout, Inch'Allah Ta'ala, en temps voulu. Et qu'Allah récompense les frères et sœurs qui nous aident à récolter les informations, à appeler les familles à trier les informations. Jazakumullahu khayran, particulièrement la famille de notre frère Fatah qui nous a envoyé beaucoup d'informations. Jazakumullahu khayran, waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ma barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.